Nous serons pour cela, dans ce vaste chantier de 14 millions d'hommes, qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de plein et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons ainsi au monde, par nos actes, que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Avant même de nous intéresser à la sécession katangaise qui survient 12 jours après la déclaration d'indépendance, voyons dans quelles conditions Elikia Mokolo, cette même indépendance, se met en place et les oppositions qu'elle génère, sans oublier le rôle que joue l'ex-puissance coloniale et ses militaires. Oui, le drame du Congo est le résultat de malentendus, on dirait entretenus à dessein, et de contradictions et d'antagonismes évidents. Il y avait d'une part l'antagonisme entre les Belges et les Congolais, les Belges qui avaient eu une colonisation très paternaliste, mais qui étaient restés paternalistes jusqu'en 1960, et les Belges qui avaient par ailleurs sur place au Congo un peuplement de colons relativement important, dont la sécurité était une préoccupation cruciale pour Bruxelles. Il y avait ensuite les antagonismes entre des partis politiques trop nombreux, plusieurs dizaines de partis, ce qui voulait dire la difficulté absolue de dégager une majorité de gouvernement. Donc le chef du gouvernement, Patrice Lumumba, ne disposait pas d'une majorité parlementaire. Et de la même manière, le président de la République, Joseph Kasavubu, n'a été élu par les parlementaires qu'au prix de négociations extrêmement laborieuses. Il y avait en outre l'antagonisme entre Kinshasa, la capitale, tout à fait acquise à l'idée de la centralisation, et les provinces, dont certaines étaient très éloignées de ce centre administratif et politique, qui rêvaient au contraire de décentralisation, voire d'un État fédéraliste. Il y avait enfin la présence sur le territoire congolais de parachutistes et de soldats belges, et en même temps d'officiers belges encadrant l'ancienne force publique devenue armée nationale congolaise. Donc tous les ingrédients d'une crise majeure à laquelle le Congo ne va pas échapper. La sécession katangaise donc. Le 11 juillet 1960 à Elisabethville, l'actuelle Lubumbashi, dans cette capitale de la riche province minière du Katanga, au sud-est du pays, le dirigeant politique Moïse Tshombe proclame l'indépendance de sa province. Un an plus tard, au micro du journaliste français Pierre Ichac, Tshombe dresse le bilan de la sécession katangaise.